Le légendaire Saladin, qui a chassé les croisés de Jérusalem, est le plus célèbre d'entre eux, les Kurdes, dont les ancêtres probables, les Mèdes, ont autrefois bâti un formidable empire de la Perse à la Turquie actuelle. Un peuple turbulent et montagnard dont l'existence même est aujourd'hui, comme hier, au cœur de la question moyen-orientale et de la deuxième guerre du Golfe. Répartis sur 4 pays, la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie, les Kurdes n'ont pratiquement jamais été indépendants. Et pourtant, à la fin de la Première Guerre mondiale, ils ont failli posséder un État. En effet, à la faveur du démembrement de l'Empire ottoman, les vainqueurs ont envisagé la création d'un Kurdistan dans l'est de l'Anatolie et dans le nord de l'Irak actuel. Ils l'écrivent en toutes lettres dans le traité de Sèvres signé en 1920. Mais la signature de ce traité déclenche la fureur des nationalistes turcs. Mustafa Kemal, le père de la Turquie moderne, passe immédiatement à l'action. À la tête d'une armée réorganisée, il se bat à la fois contre l'armée française qui occupe la Cilicie au sud-est et l'armée grecque qui envahit l'Anatolie de l'ouest. Les Grecs sont vaincus et chassés. Un nouveau traité signé à Lausanne en 1923 consacre cette victoire. La Turquie est reconnue dans ses frontières actuelles et il n'est plus question de Kurdistan. Bien au contraire, les Kurdes, qui demeurent le seul élément non-turc de la nouvelle République, vont être turquifiés en masse, ce qui ne les empêchera pas de se révolter régulièrement contre Ankara, mais aussi contre les autres États où ils sont installés. Cette situation perdure. Ajoutons enfin que le Kurdistan géographique est riche de très importantes ressources minières et surtout pétrolifères, une richesse qui attire de nombreuses convoitises et qui n'est sans doute pas étrangère au fait que les puissances de la région n'ont jamais voulu que se crée un Kurdistan politique. On estime généralement que les Kurdes sont à peu près 25 millions. Oui, mais répartis sur plusieurs pays. Oui, oui, mais une grosse moitié se trouve en Turquie, où les Kurdes représentent le cinquième de la population. Il faudrait aussi compter les exilés, très nombreux, en Allemagne, par exemple. Mmh. Il existe aussi une forte communauté en Grande-Bretagne. Rappelez-vous que parmi les réfugiés de Sangat, il y avait beaucoup de Kurdes chassés par la répression ou la misère. Mmh. Mais est-ce que ce peuple dispersé forme un groupe homogène? Non, c'est sans doute aussi l'une des causes de son malheur. Les Kurdes ont trop souvent cédé aux réflexes tribaux, ils n'ont pas cessé de se déchirer, de se combattre. Il faut ajouter que les Kurdes n'ont jamais envisagé sérieusement de s'unir et de mener une lutte commune. Les différentes communautés ont, au contraire, essayé de conquérir des droits à l'intérieur des frontières des pays où elles vivent. Mmh. Sans essayer donc de fédérer cette lutte. Oui, c'est ça. Toutefois, il faut tenir compte du fait que les Kurdes se comprennent mal entre eux. Ils parlent des dialectes différents selon les régions, ils utilisent également des alphabets différents. Ah oui, enfin, en fonction des pays où ils résident. Oui, mais ça ne simplifie pas les choses. Et puis, il y a les fractures religieuses. S'ils sont majoritairement sunnites, il existe aussi des Kurdes chiites, essentiellement en Iran. Et c'est pourquoi on ne peut parler de véritable sentiment national. Mais il faut aussi remarquer, à la décharge des Kurdes, que ces différences religieuses ou ces rivalités tribales ont été attisées par les différents états de la région. C'est-à-dire? On peut persécuter les Kurdes chez soi et les soutenir dans le pays voisin. Oui, pour créer des difficultés à ce voisin. Naturellement, si vous voulez bien, je vais y revenir. Quelques chiffres avant d'examiner tout cela par le détail. Depuis le début des années 60, 250 000 Kurdes ont été tués. Des millions d'autres ont été déplacés ou déportés. Et des milliers de villages ont été purement et simplement rasés. Le prix payé par ce peuple sans patrie est exorbitant. Et les Kurdes ont raison de dire qu'ils sont les oubliés de l'histoire. Oui. Mais bon, on ne veut pas remonter trop loin, hein, mais quand commence-t-on à parler de la question kurde? Au 19e siècle. C'est-à-dire alors que l'Empire ottoman existe encore? Oui, on observe alors plusieurs révoltes kurdes. À leur tête, il y a de grands féodaux, les cheiks. Ce sont leurs descendants qui dirigent aujourd'hui la plupart des mouvements kurdes. Autant d'insurrections, en tout cas, qui vont contribuer à l'émergence d'un nationalisme kurde. Mais rien n'est simple. Des milices tribales kurdes, étroitement associées au pouvoir ottoman, vont jouer un rôle important dans les premiers massacres d'Arméniens. Et pourquoi? C'est très simple. Arméniens et Kurdes sont aussi des rivaux. Des rivaux géographiques, si je puis dire. Car leurs revendications territoriales en Turquie se recoupent. C'est-à-dire qu'ils occupent les mêmes territoires? Oui, essentiellement dans l'Anatolie de l'Est. Et c'est pourquoi les Kurdes ont participé à la répression contre les Arméniens. Ça ne leur a pas porté chance, d'ailleurs, parce que les Turcs ne leur seront nullement reconnaissants. Sous Mustafa Kemal. Oui, Atatürk. ce qui veut dire le père de la Turquie. Donc sous Kemal, le président laïque et jacobin, les nationalistes kurdes vont être durement réprimés. Et chaque révolte est noyée dans le sang. Pour Kemal, il n'y a qu'une catégorie de citoyens, les Turcs. Ouais, kurdes ou pas, quoi. Exactement. Et il mène une politique active d'assimilation. L'usage de la langue kurde est par exemple interdite. Interdite aussi les publications et les écoles kurdes. Est-ce que cette politique brutale est efficace? Bon, on peut en douter, puisque je vous l'ai dit, les Kurdes ne renoncent pas à se révolter périodiquement. La plus importante de ces insurrections, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, durera 2 ans. Causera la mort d'une 40aine de milliers de personnes et se traduira par des déportations massives. Ouais. Bon, là on est en Turquie, mais dans les autres pays où résident des Kurdes? Ben, on note là aussi des révoltes. C'est tellement vrai qu'en 1937, ces États, Irak, Iran, Afghanistan et Turquie, bien sûr, passent un pacte pour lutter ensemble contre ce qu'ils appellent la subversion kurde. Ah, subversion, ça c'est clair. Ouais, en effet. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que dans tous ces pays, on lutte avec la même ardeur contre le nationalisme kurde? Non, il faudrait voir cela pays par pays. Aussi, pour ne pas être trop long, je vous propose de faire un saut dans le temps et d'examiner ce qui s'est passé dans la deuxième partie du XXe siècle. Oui, d'accord, mais par où commence-t-on alors? La Syrie, si vous le voulez bien. Mm-hmm. Là-bas, on estime qu'il y a environ 1 million de Kurdes. L'attitude des autorités syriennes vis-à-vis de cette importante communauté a été assez fluctuante. Dans un premier temps, le régime désireux d'arabiser la population présente sur sa frontière nord. La frontière avec la Turquie. Oui, donc dans ce but, les dirigeants syriens s'en sont pris aux Kurdes qui s'y trouvaient. Et 300 000 d'entre eux ont été déchus de la nationalité syrienne. Mais en même temps, d'autres Kurdes ont été appelés à rejoindre l'armée et même la garde présidentielle. C'est à ces hommes que le président Hafez al-Assad confiera en particulier le soin d'écraser la révolte des frères musulmans au début des années 80. Ouais, c'est-à-dire, en fond, ils vont jouer le rôle de mercenaires comme ils l'ont déjà fait en Turquie contre les Arméniens. C'est juste, c'est vrai, il y a des similitudes. Notons enfin que la Syrie, jusqu'en 1998, se montrera très favorable aux Kurdes hostiles à la Turquie, puisqu'elle accueillera même le chef du PKK, le célèbre Öcalan. Ouais, par philanthropie, j'imagine. C'est évident, on se sert des Kurdes pour embarrasser le voisin turc. Mais ça, nous en reparlerons un jour, si vous le voulez bien. Ouais. Car l'histoire d'Öcalan et celle de sa capture méritent un long développement. D'accord. Alors, autre pays? L'Iran. On y compte 6 millions de Kurdes, peut-être même 8. Là comme ailleurs, cette population aspire à l'indépendance et à la création d'un Kurdistan indépendant. Mais la révolution islamique de 1979 va sonner le glas des espoirs des Kurdes iraniens, car Khomeini n'est pas décidé à leur accorder le statut d'autonomie qu'ils réclament. Au contraire, l'ayatollah proclame même le djihad contre ces séparatistes. Le résultat, eh bien, c'est une répression sanglante et même l'assassinat de leurs dirigeants réfugiés à l'étranger. Mmh. Donc ça, c'était sous Khomeini. Et aujourd'hui, alors? Bah, la situation s'est apaisée, même si les Iraniens n'ont pas renoncé à les manipuler. Les Kurdes ont des députés, des journaux, des centres culturels. Ouais, quand même. Enfin, ils ont payé très cher ces quelques faveurs. Car pendant la terrible guerre qui a opposé l'Iran et l'Irak dans les années 80, ils ont été très cyniquement utilisés. Ce qui signifie, hein? Oh, c'est très simple. Je vous le laissais entendre tout à l'heure. Les Irakiens sont venus militairement en aide aux Kurdes iraniens, alors même qu'ils persécutaient leurs propres Kurdes. Et en retour, les Iraniens ont soutenu les Kurdes irakiens. Mmh. Irakiens et Iraniens se sont donc renvoyés la balle. La balle, oui, malheureusement. C'est-à-dire des populations entraînées malgré elles dans une guerre qui n'était pas la leur. La conséquence la plus visible et la plus favorable à la fois pour l'Irak et l'Iran, ça a été de dresser les uns contre les autres les Kurdes présents de chaque côté de la frontière irako-iranienne. Et ça repoussait d'autant plus l'éventuelle indépendance du Kurdistan. Ben, il pouvait pas en être autrement. Ça permettait de part et d'autre de massacrer allègrement les Kurdes accusés d'être des traîtres à leur patrie. Remarquez, ça continue encore aujourd'hui. Mmh. Les Iraniens soutiennent toujours les mouvements kurdes fondamentalistes qui s'opposent par les armes aux principaux partis kurdes qui dirigent le Kurdistan autonome et irakien. Ouais. Ouais, ça nous amène tout droit à parler des Kurdes irakiens. Hein. Oui, c'est une longue histoire, une histoire qui commence plutôt bien. Ah bon, racontez. Après des années de guérilla, en 1970, Saddam Hussein, qui n'est encore que vice-président, signe un accord avec un chef kurde légendaire, Mustafa Barzani. Bagdad concède des droits nationaux et culturels aux Kurdes. Des ministres kurdes sont même nommés, mais il reste une importante pomme de discorde, la situation de Kirkouk et l'exploitation des gisements pétroliers voisins. Ouais, parce que j'imagine que les Irakiens n'entendent pas s'en séparer. Bah, évidemment, et quelques années plus tard, la guérilla recommence. Mais le chef du PDK, le Parti démocratique du Kurdistan, Mustafa Barzani, va commettre une terrible erreur en concluant une alliance avec l'Iran du Shah. D'abord parce que ce ne peut être qu'une alliance de circonstances, étant donné qu'aucun pays de la région n'acceptera l'indépendance du Kurdistan.

enfin je dis bien en principe, l'UPK de Tel Abami affirme se situer à la gauche du PDK de Barzani. Et l'UPK a été rejoint par des petits partis d'obédience marxiste. Mais enfin, tout ça est théorique. En réalité, UPK et PDK fonctionnent selon le même système tribal et l'obéissance totale au chef. Est-ce que cette guerre fratricide, là, c'est traduite par la victoire d'un camp sur l'autre? Il faut d'abord dire que les autorités internationales ont essayé de mettre fin à cette guerre civile. Puis d'abord parce que ce conflit interne était suivi avec beaucoup d'intérêt par le voisin turc. Enfin, nous en parlerons car c'est l'une des clés de toute cette affaire. Alors, victoire, me demandez-vous? Ah oui, oui. Bon, en 1995, malgré son manque de ressources, Tel Abani semble être sur le point de l'emporter. Alors son rival, Barzani, n'hésite pas à tourner kazakh et il en appelle à Saddam Hussein. Contre ses frères kurdes, oui, donc. Oui, oui, c'est une vraie trahison. Et le dictateur irakien, vous l'imaginez bien, s'empresse de venir en aide à Barzani. Les troupes irakiennes pénètrent au Kurdistan, en profitent pour liquider quelques dizaines d'opposants qui s'y étaient réfugiés, et puis assurent la victoire du PDK. Tel Abani est obligé de fuir en Iran. Félonie. Et depuis? Les Irakiens se sont rapidement retirés et Barzani a régné seul sur le Kurdistan. Toutefois, grâce à la médiation américaine, les deux principaux partis kurdes ont fini par se réconcilier. Ils sont chacun bien installés dans leurs fiefs respectifs et se partagent la manne de la contrebande pétrolière et de divers trafics. Au fond, cela permet. Oui, grâce en particulier au protectorat américain. Mais la situation demeure fragile. Car il existe au Kurdistan irakien une multitude de partis et donc de milices. Le MIKA, par exemple, campe toujours aux frontières du Kurdistan du côté iranien. Il existe aussi un groupe islamiste armé qui lutte contre les militants de l'UPK. Un groupe qui aurait été rejoint par des soldats perdus d'Al-Qaïda. Ah oui, alors bon, quand les Américains accusent l'Irak d'avoir des liens avec Ben Laden... Non, parce que ces types se trouvaient aussi à la frontière iranienne dans une zone... hors du contrôle de Saddam Hussein. S'il fallait parler de complicité avec Al-Qaïda, on devrait plutôt regarder du côté de Téhéran. Faudrait aussi parler des Turkmènes, qui jouent ouvertement le jeu de la Turquie dans la région. L'autonomie du Kurdistan est donc toute relative et peut être menacée à tout moment. D'abord parce que ses ressources, l'aide internationale et les trafics sont artificiels. Oui, vous voulez dire qu'elles peuvent cesser n'importe quand? Oui, et ensuite parce que aucun des pays voisins n'est prêt à accepter que cette situation perdure. Un Kurdistan autonome et peut-être même indépendant pourrait donner des idées aux Kurdes, iraniens, syriens et surtout turcs. Et cela, Ankara n'en veut absolument pas. Enfin, il ne faut pas oublier le pétrole. Bagdad s'est bien gardé d'abandonner la région de Kirkouk. Mais la région pétrolière. Essentiellement peuplée de Kurdes. Une région qui suscite beaucoup d'appétit, et d'abord celui de la Turquie. En décembre 2002, Pierre-Jean Luisard, chercheur au CNRS, a publié chez Fayard la question irakienne. Voici... comment il analyse la situation au Kurdistan avant le déclenchement de la deuxième guerre du Golfe. La manne financière qui se déverse à différents titres sur le Kurdistan autonome a contribué à ruiner l'agriculture comme les industries locales. Il est devenu en effet plus intéressant d'organiser le trafic du pétrole irakien vers la Turquie et l'Iran et de maintenir des positions qui permettent aux Kurdes de toucher 13% de ce qui est vendu au titre du programme humanitaire de l'ONU. Pétrole contre nourriture, plutôt que d'investir dans la production locale. Alors la Turquie où réside la plus importante communauté kurde et qui a toujours été le fer de lance de la lutte contre le séparatisme kurde. Et comme je l'ai fait pour les autres pays où se trouvent des Kurdes, si vous voulez bien, ne remontons pas trop loin. Mais enfin, avant d'examiner les faits, il faut tout de suite observer quelle est la situation des Kurdes en Turquie. Ils ont l'impression réelle d'être des citoyens de seconde zone. Les colonisés. Oui, leur niveau de vie est incomparablement plus bas que celui des Turcs. Il y a un véritable fossé entre les deux communautés et la guerre civile ne va rien arranger. Alors n'allons pas plus loin que 1974. Pourquoi cette année-là? Eh bien parce que c'est en 1974 qu'apparaît Abdullah Öcalan. Ah oui, Apo, comme on le surnomme, c'est oui, ça. Oui, ça veut dire l'oncle. Apo. Öcalan crée un premier groupe, l'Apocus, c'est-à-dire les fidèles d'Apo. Puis après de multiples scissions, il fonde le PKK, c'est-à-dire le Parti des Travailleurs Kurdes, un mouvement qui est alors ouvertement marxiste. Son programme? L'indépendance du Kurdistan, la construction d'une société communiste, la destruction de la classe bourgeoise et l'alliance entre les paysans et les ouvriers. Rien que du très classique. Oui. Enfin, le combat du PKK est d'abord dirigé contre les autres groupes kurdes accusés d'être des collabos compromis avec le pouvoir d'Ankara. L'action d'Öcalan commence donc par une lutte fratricide. Oui, c'est malheureusement vrai, mais c'est une constante dans l'histoire des Kurdes. Ils n'ont jamais cessé de se diviser et de s'affronter, ce qui explique sans doute le fait qu'ils n'aient jamais pu réaliser leur rêve, celui d'un Kurdistan indépendant. Enfin, passons.

Ankara a-t-il refusé que les militaires américains entrent sur son territoire pour ouvrir un deuxième front au nord. Vous parlez de la guerre du Golfe, là. Oui, parce que les Turcs veulent garder les mains libres et pouvoir intervenir quand ils le voudront dans le Kurdistan irakien. Et la question du pétrole, joue-t-elle aussi un rôle? Bon, naturellement. Grâce à l'embargo sur le pétrole irakien, la Turquie a pu bénéficier d'un pétrole très bon marché. La contrebande. Oui. Alors Ankara n'est pas prêt à renoncer à cet avantage. Et au fond, pour continuer à bénéficier de cette ressource pétrolière, il suffirait que ses troupes descendent un petit peu plus au sud, jusqu'à Kirkouk, par exemple. J'emprunte la conclusion à Gérard Chalian. Le 21 mars dernier, ce spécialiste des conflits écrivait ceci dans le journal Libération. Il semble bien que l'armée turque entende, avec ou sans l'accord des États-Unis, pénétrer en Irak du Nord. Il s'agira d'une action préventive à son échelle qu'elle justifiera par son souci de sécurité comme les États-Unis l'ont fait au nom du leur contre Bagdad. En franchissant la frontière de l'Irak, Ankara sait qu'il mettra probablement un trait sur sa candidature à l'Union européenne. Mais n'en a-t-il pas déjà fait son deuil? Par contre, la Turquie restera pour les États-Unis un allié régional essentiel et les dégâts qu'elle peut causer aux projets américains en Irak seront d'abord payés par les Kurdes. Ceux-ci, une fois de plus, risquent de mesurer leur isolement.